une fête d'apparat avait réuni la cour et la ville. Mes yeux, errant sur l'assemblée, cherchaient un objet qui les fixa. Ils furent distraits quelques instants par des figures friponnes et agaçantes. Ô Satan, vadre et rétro, déjà je sentais mon cœur s'évanouir et ma bourse se vider. Enfin arrive avec bruit Madame de Cucratulos. Son état l'oblige d'assister au spectacle. Sans cela, elle est trop régulière pour chercher le plaisir en public. Placé dans la loge où elle entrait, je fus assez heureux pour que mes prévenances ne restassent pas sans effet. Ce n'est pas que sa figure me tenta. Représentez-vous, mon ami, une tête, un cou, un corps et un tout d'une pièce. Faites de tout cela un paquet mal fagoté. Ajoutez-y des bras grossiers et de couleur bleu pourprun. Attachez-y de grosses cuisses, de vilaines jambes, percez à son visage des trous bizarrement placés pour faire des yeux, mais dont l'un immense annonce pour ailleurs la grande mesure. Barbouillez cela de rouge et de tabac, coiffez-le d'une perruque ébouriffée, et puis par là, dessus des plumes, de la gaze, du ruban, des diamants. Voilà la comtesse physique, et la comtesse morale, foutre. Ne parlons pas si haut. Savez-vous bien que c'est une grande dame? Elle est haute comme le temps, quoiqu'elle ne soit pas si ancienne. Ses valets sont aussi ventre à terre devant elle, qu'elle-même devant les puissances. Elle monseigneurise son carrosse, ses chevaux, son mari, son père, son grand-père même. Mais elle ne remonte pas plus haut, car elle craint les chutes. Ou reste méchante, hargneuse, impudente avec effronterie, opiniâtre avec emportement, et toujours avec bêtise, dévote avec ostentation. Chacun de ses valets met à la quête un écu qu'elle leur distribue. Pour elle, le rebrille toujours dans son offrande hypocrite. Mais que veux-tu faire d'un pareil monstre? Ce que j'en veux faire, parbleu, la belle demande, la piller, la gruger et me foutre d'elle tout en la foutant. Le spectacle finit tard. Elle m'invita à souper du ton dont on donne un ordre. J'étais au fait. Je m'humiliais, je me confondis sans lui offrir ma main. Je lui fis faire place à la sortie. Je la vis entrer dans sa chaise, qu'escortaient quatre valets, chapeau bas, et je me rendis chez elle. L'assemblée était cérémonieuse, par conséquent fort triste. Le souper fut d'un compassé assommant. On y mangea peu, on y parla moins. Le lever, la chasse, le coucher, quelques nouvelles rebattues, débitées d'une voix traînante. Des hommages à madame terminèrent la séance. Mais non pour moi. Comme tout chez la comtesse se fait dans l'ordre, un valet de chambre m'avait prévenu que mademoiselle Branlinos avait à me parler avant que je sortisse. Ne vous étonnez pas de ce nom, c'est la première femme de la comtesse. Après avoir fait mon compliment à celle-ci, je me rendis chez la sudiste, qui sans détour m'annonça que j'étais destiné pour cette nuit au plaisir de madame, et qu'elle avait reçu ordre de me préparer. Pardieu, lui dis-je, ma charmante, je ne m'attendais pas à tant d'honneur, mais sois fait comme vous le voulez. Nous entrons dans un cabinet de bain, où j'en trouve un tout prêt. Branlino se ferme la porte sur nous et m'aide à me déshabiller. J'hésitais à me mettre absolument nu devant cette fille très jolie et qui n'avait pas plus de 20 ans, quand elle me dit « Eh, monsieur, dépêchons-nous, il faut que je vous prépare. »« Ah, foutre, mademoiselle, et moi que je vous essaie. » Je la campe sur le lit de bain et je la fous. Le jeu ne lui déplut pas, il m'amusait assez. Il fallut cependant songer à la préparation. Branlinos entra dans le même bain que moi, en me disant que je l'avais souillée, et en m'avertissant qu'elle couchait entière avec nous. Ce procédé me parut nouveau, mais la diablesse garda le tasset, en étouffant de rire. Enfin, bien lavée, bien essuyée, bien parfumée tous deux, elle se sauva, de crainte de nouvelles pollutions, et 5 minutes après, vint me prendre. J'arrive dans la chambre à coucher. La comtesse était déjà au lit, elle me tend une main que je baise avec autant d'ardeur que si elle eût été jolie. Je me place d'un côté, Branlinos de l'autre. La comtesse était plus humanisée, mais le décorum subsistait toujours, à preuve. « Mon cœur, dit-elle à Branlinos, voyez s'il... » La petite me touche, et, sacre Dieu, je dresse au même instant. « Ah, madame, comme un ange !» s'écrie Branlinos. Alors Cucratulos fait demi-tour à droite et me présente. « Devinez quoi ? Sacre Dieu, que tu es bête, ma foi, je ne sais pas, non, son... » « Oui, foudre, son... » « Amas énorme de chair mollasse et tombante, je... » « Net... » Branlinos, qui sans doute d'une main me prête son secours, de l'autre entrouvre le gouffre, je m'y jette en grinçant des dents. Et j'étais au milieu que je ne m'en doutais pas encore. Ô altitudo ! Branlinos s'était remis à son poste. Sa main agile Madame a toute étreinte, pendant que je la limais à suer dans mon harnais. Le moment de la décharge approche. Avez-vous jamais été réveillé par le grondement d'une porte mal graissée sur ses gonds rouillés? Voilà la passion de ma belle, et les douceurs qu'elle me débitait. Cependant, quand cela fut fini et qu'elle fut retournée, elle me fit la grâce de m'embrasser. Pouah, ma foi, j'aimais mieux l'autre. Encore était-il parfumé, mais la bouche avait usurpé son goût. Après un moment de conversation, il fallut recommencer, même cérémonie. Sa façon à elle est uniforme, et le diable m'emporte. Depuis le baiser, je ne la trouvais plus si ridicule. Mais voici bien une autre histoire. Elle me place entre elle et Branlinos, me tourne, tout comme à Berlin. Admire ma chute de rein. Je crus être au second homme de la vie, tout connasse. Non, j'en fus quitte pour la peur. Tout à coup, par une inspiration, « Mon chat, me dit-elle, veux-tu Branlinos ?»« Pardieu, je tope à la proposition. Mais je sens que l'on me farfouille, sacre Dieu. La bougresse me donnait le postillon. » Son gros vilain doigt me sondait d'importance. C'était pour me faire avaler la pilule qu'elle me laissait, la petite. Et, dans le fait, cela ne nuisait pas. Cugratulos ne se lassa que quand je fus rendu de fatigue. Le jour paraissait. Je lui laissai prendre du repos en me retirant. Le secret me fut recommandé de la manière la plus forte, et je l'ai bien gardé. Les jours suivants furent remarqués par les mêmes aventures. L'or me dédommageait, car elle en répandait à foison. Branlinos soutenait mon courage et me faisait « Au reste, la comtesse n'en était pas moins dévote, ni moins impertinente, même vis-à-vis de moi. Mon quartier fini, elle partit pour les eaux de Barège, en me comblant de présents, mais avec ses terres qui en ôtent tout le mérite. Je revins à Paris. Rendu dans cette Babylone, qui ne renferme plus de corruption qu'ailleurs, que parce qu'il y a plus de monde, car les vices plus rassemblés en produisent de nouveaux, pendant 8 jours, je fatiguai chevaux et valets à faire inscrire mon nom chez toutes les coquettes et les coquines de Paris. 15 jours se passèrent sans aventure curieuse. L'ennui me gagnait. Je jouais, je perdis. Et dès lors, j'abandonnais ce moyen de conservation qui m'aurait dévoré mon or. Pour le conserver, il n'y avait qu'un moyen, la fuite. C'était un parti violent, et je balançais. Déjà le soleil dorait les moissons. Les grâces se retiraient au bocage. Toutes les femmes volaient à la campagne, les unes par désœuvrement, d'autres par habitude, celles-ci pour opérer une révolution. De si grands exemples me déterminèrent, quelques légères excursions préparèrent ma retraite. Je voltigeais, mais souvent bien différent de l'abeille industrieuse, je ne pompais que des sucs soporifiques. Encore l'ennui me fait-il bâiller sans m'endormir. Vous connaissez comme moi ces palais enchantés que la Seine voit sur ses bords dans sa course tranquille. Hélas! Un art cruel nous y poursuit encore. Il étouffe la nature en croyant l'embellir. L'ennuyeuse symétrie a dessiné ses parterres émaillés de sable stérile et ses tristes gazons dépouillés de leur verdure. Des murailles de charmilles ne permettent point aux zéphyrs de caresser le sein de flore. La rose se flétrit sans honneur dans ses vases qui la gênent pour la rassembler en bouquets. De longues allées ne semblent m'offrir un point de vue délicieux que pour l'isoler et le rendre monotone. J'entre dans un bosquet, des arbustes fatigués y prêtent à regret leur ombrage. Des entraves de fer asservissent leurs branches courbées. Le chèvrefeuille n'y rampe point parmi le feuillage. La tulipe y est sans couleur, la violette sans parfum. Je me sauve dans un bois. Et quoi? Toujours de l'industrie, jamais de surprise. La main de l'architecte a décoré ces salles tristement superbes. La règle impérieuse a tracé leurs contours. La serpe, la faux ont mutilé les dryades gémissantes pour arrondir des colonnes ou former des amphithéâtres. J'entends le bruissement des eaux, hélas. La naïade en pleure n'y roule point ses flots argentés. 1000 canaux emprisonnent son onde. Des formes bizarres, des bouches d'airain les lancent dans les airs. Elle retombe brisée dans ses bassins, où elle se perd sans pouvoir arroser le bocage qui la désire. Ô homme, votre despotisme réduira donc tout à l'esclavage. J'erre dans les détours d'un labyrinthe compassé. La fauvette légère, le pinson joyeux, n'y trouvent point d'asile pour leurs amours. Philomèle seule y fait quelquefois entendre les sons de sa douleur, et la nuit, quand Phébé fait régner le calme et le silence, le triste coucou présage au maître de ces lieux ses hautes destinées. Que je suis loin, grand Dieu, de cette douce mélancolie où l'âme attendrie perd le sentiment douloureux de ses peines, où des larmes involontaires mais précieuses dégonflent la poitrine oppressée et rafraîchissent la paupière. Je suis sombre, mes pensées tumultueuses s'agitent, se choquent, se confondent. Je reviens à pas lent, l'air rêveur, la tête penchée. Je rentre dans un salon brillant d'or et de glace. Elle me retrace 20 personnes que fixe un tapis vert. Oh, source nouvelle d'ennui, de consomption. Je reviens à la ville. Toute la vitesse de mes chevaux ne me sert pas à mon gré. Je suis à peine arrivé que je voudrais être ailleurs. Je cherche avec ardeur des objets nouveaux. Ah, il n'en est point qui puisse guérir un cœur blasé, surtout. Essayons du moins de le distraire. Fuyons, fuyons la perfidie des cours, le tumulte des villes. Cherchons une retraite. Je l'ai trouvée. J'y vole sur les ailes de l'espérance et du désir. Au milieu de ces riches contrées, que la Marne indocile fertilise dans son cours, s'élèvent des murs bâtis par nos aïeux. Leur superbe apparence semble annoncer la demeure des rois. Non, c'est le séjour tranquille des épouses chéries, du dieu de paix. C'est l'abbaye de... La tante d'un de mes amis en est abbesse. Je suis annoncé par lui comme un homme aimable. Je suis désiré, j'arrive. Le bruit d'une voiture qui vient au galop, plus encore celui des valets, qui croient honorer leur maître par leur tapage, avait fait événement. Tout dans le couvent se met sous les armes. La discrète se prépare à exercer sa langue. Un homme de cour, qu'il va m'en conter de belle. La nonnette jolie rattache sa guimpe légère avec art, avec coquetterie. Toutes veulent plaire, toutes veulent au parloir. Madame la dépositaire est députée pour me faire les honneurs. Un compliment agréable, et bénin me montre que l'on est prévenu en ma faveur. Enfin, Madame l'abbesse arrive à la grille, et les saints disparaissent par discrétion et par respect. Sacre Dieu, la charmante figure, lit mon portrait, lit et meurt d'envie. Elle achève à peine son cinquième lustre. La fleur de la santé s'unit sur son visage à celle de la jeunesse. Un teint brillant, les yeux les plus beaux du monde et noirs, comme j'ai, la bouche mignonne et bordée de roses. Des dents d'ivoire qu'un sourire enchanteur laisse admirer. Au reste, un genre de coquetterie inconnue dans le monde, réservé pour le cloître. Sa robe, tissue d'une gaze diaphane, se drape en longs replis. Une ceinture dorée semble moins faite pour marquer sa dignité que pour faire valoir une taille divine. La batiste la plus blanche forme son bandeau. Sa guimpe se replie pour dessiner les tempes et arrondir davantage un ovale délicieusement tracé. Elle s'échappe ensuite et voltige au gré des zéphyrs. Mille amours nichés çà et là rentrent, sortent, ébouriffent tout, et tout ne va que mieux. Est-ce que tu t'aviserais de faire le second tome d'Abélard? Ma foi, je n'en sais rien. Mais dussé-je chanter clair, je foutrais ma charmante abbesse. Ou nous verrons pourquoi, les compliments furent ce qu'ils devaient être, joliment tournés de la part de la nonne, et galamment de la mienne. La connaissance fut bientôt faite. J'apporte des nouvelles, et l'abbesse était trop instruite pour ne pas s'apercevoir que mon âme était dans mes yeux. Mais elle n'était, sacre Dieu, pas morte autre part et je... a crié, sublime effet de la vertu. Vierges immaculées, les corpuscules saints qui s'exhalent de vos blancs tétons ont agité, pénétré tous mes sens. Puissais-je rassembler toute la vigueur d'un carme dans ces premières années et retracer à vos... pourfendus la valeur et les assauts du père Tapedru. Je ne parlerai pas des fêtes qui me furent données, des concerts où je tins ma partie. Ma voix molle et sonore, mes accents prononcés, se mêlèrent à ceux de ces filles timides. Tel un satyre effronté, se glissant au milieu des nymphes, commence par les étonner. En vain, elles veulent fuir. Un attrait puissant retient leurs pas. S'ils deviennent plus chancelants, c'est l'ouvrage du désir. Et les cris que les belles poussent ensuite ne sont pas d'effroi. Ô mon ami, la jolie chose que d'être au milieu d'un sérail où vingt nonnettes se disputent le prix de la beauté. Leurs yeux, moins agaçants que ceux de nos femmes, respire une tendre langueur. Plusieurs même, innocentes encore, éprouvent des mouvements jusqu'alors inconnus. Dieu, quelle expression touchante! Fouton, fouton, ô mon... Déploie tes ressorts de fer. Que tout cède à ton impulsion puissante. Évoé, amour, évoé, priape. Je me couchais, roulant à part ces vastes projets. La moire tapissait ma chambre. Le goût l'avait assortie. La simplicité, la propreté scrupuleuse y régnaient. Et la mollesse y reposait sur le duvet le plus fin. Je ne dormis point, j'étais enchanté, enivré. Une légère indisposition, peut-être de commande, retint le lendemain Madame l'abbesse au lit. J'eus permission d'aller lui faire ma cour dans son appartement. Que devins-je? Ô ciel, que devins-je? Elle était belle comme un ange, et de la beauté la plus touchante. J'oubliais jusqu'au motif qui m'amenait. Elle me tendit la main en s'informant de ma santé. Je baisai cette main avec un feu, une ardeur. L'abbesse soupira. Un soupir fut ma réponse. Nous étions seuls. ses yeux à demi-clos, ses longues paupières abattues, le gonflement, la palpitation d'un sein d'albâtre que couvrait encore un voile inopportun, tout semblait m'enhardir. Hélas, j'étais timide. Julie, Julie, ainsi jaillirent les premiers transports de nos feux. Je me jetais à ses genoux. Mes lèvres brûlantes couvrirent cette main que je n'avais pas quittée, que l'on ne s'était pas efforcé de m'arracher. Dieu ! Elle se pâme, elle se meurt. Le premier mouvement m'emporte. Je m'écrie, ces femmes arrivent. Des sels, des eaux, des senteurs, tout est sous mes mains, ce sont les vapeurs de madame. S'écrie une assistante. Ah, foutue bête, me dis-je à moi-même. Mais foutre, ce n'est pas son dernier accès. Au bout d'un demi-quart d'heure, elle revient à elle. Elle est pâle. Mais c'est de la pâleur des amantes. Quelques larmes ont mouillé ses beaux yeux. Qu'ils sont touchants. Il semble implorer. Nous redevenons libres. Hélas, dit-elle, je suis bien malheureuse. Ces spasmes violents m'anéantissent. Et l'on ne peut en deviner la cause. Je vois la rougeur qui colore ses joues, son pouls le plus animé, mon cœur bat. Je m'approche davantage. Quelques coussins dérangés m'offrent un prétexte. J'ose avancer ma main pour la replacer, pour la soutenir. Un mouvement me livre sa gorge. C'est celle de Polignac. L'ivresse me saisit, je presse sa bouche de ma bouche, amoureuse. Ma langue lui fait éprouver des tressaillements voluptueux. J'avance vers le sanctuaire. Un doigt y pénètre. Il tremble, et ce tremblement l'émeut davantage. C'en est fait. Je l'ai remplacé. Dieu, Dieu, quelle jouissance! Ô mon sauveur, dit-elle. Ah! Ah, ô bonheur! Je puis mourir, mon doux Jésus! Ah, mon cher ami! Ah, cher ami, je meurs! Les sensations étaient trop vives, trop multipliées, trop nouvelles. Mon âme ne pouvait y suffire. Je m'évanouis très sérieusement. Mon abbesse effrayée sonna sans doute sa confidente. Je me retrouvai dans leurs bras. Les baisers de ma charmante abbesse me rappelèrent à la vie. Mais en même temps, ils me remirent dans un état si ferme que la discrète jugea prudemment que je n'avais plus besoin de sa présence. Nous nous réitérâmes plus d'une fois, l'abbesse et moi, des serments de nous aimer toujours, et toujours la conviction suivait de près. Les coulis, les restaurants les plus actifs, me furent prodigués. Je passai la journée comme la matinée, et la nuit fut aussi heureuse. Les jours suivants, des amusements sans nombre me furent préparés, la chasse, la pêche, mille et mille jeux. Tant de plaisir m'attachait encore à mon abbesse. Elle était voluptueuse, mais sans art, sans raffinement. Mes conseils lui plaisaient, mes leçons l'enflammaient. Elle y gagnait beaucoup, et je n'y perdais pas. Son beau corps svelte et flexible, ses membres délicats s'enlaçaient, se pliaient sur les miens, et ce n'était que dans mes bras qu'elle goûtait le repos. De bonne foi, je lui aurais gardé fidélité, mais l'humanité s'y opposait. De jeunes cœurs soupiraient en secret pour moi. Fallait-il les laisser se consumer, se flétrir? Non, je suis trop compatissant. Mon commerce avec la baisse était réglé. Je lui donnais les nuits et j'employais les jours ailleurs. Dortoir, cellule, tout m'était ouvert. Et j'en profitais. S'il m'en souvient, la première que j'ai foutue fut une discrète. Une discrète? Tu badines, non, par Dieu. C'était notre confidente. Fille mûre de 15 à 55 ans. Voici le fait. Elle s'était chargée de mes déjeuners. Un jour que, emporté par la chasse, j'avais manqué mon heure ordinaire, je reviens au moment où la bonne mère, Saint François, ne m'attendait plus. Je rentre sans bruit. Elle était étendue dans un grand fauteuil, le dos tourné vers la porte et retroussé jusqu'au nombril, les cuisses écartées et remuait de toute sa force. Devine, belle demande, un godet de miché. Un godet de miché? Tout juste. Je ferme la porte avec précipitation. Elle n'a que le temps de baisser ses côtes et laisse le fer dans la plaie. Rouge comme un chérubin, elle se lève, fait deux pas, serre les cuisses, et moi que le diable inspire, je la prends par-dessous les bras si lestement que le priape quitte prise et tombe au beau milieu de la chambre. Ah, ma mère en Dieu, n'êtes-vous pas blessée? Peste, dis-je en ramassant le poupon. Voilà une rue de fausses couches, et foutre, ma bonne, ne vous étonnez pas. J'ai tout vu, je vous ai fait rater, il faut que je vous achève. Je la campe sur son lit et je lui fais deux fois la douce affaire. C'était autant qu'il lui restait dedans. « Le bon Dieu vous le rende, me dit-elle avec attendrissement. » Je ris et j'aperçois au fond de sa bouche un petit chicot. Je me rappelle la vieille histoire. Une noble émulation m'enflamme. D'ailleurs, j'avais besoin d'elle. Elle était maîtresse des novices. J'arrachai le chicot, mais il tenait diablement fort. Je crois n'avoir eu de ma vie autant de peine. Passons sous silence quelques aventures communes. Je baisais la sœur Saint-Jean-Porte-Lapine, sœur Magdelon, mère Saint-Bonaventure, et etc. Le dortoir, le jardin, la dépense et l'apothicairerie furent tour à tour mes théâtres. mais parlons des novices. Elles étaient cinq, et parmi elles, sœur Agathe, sœur Rose et sœur Agnès se faisaient distinguer. C'étaient les plus jolies enfants du monde. Les deux premières, éveillées, petites commères, s'aimaient à la fureur et se caressaient d'eux-mêmes, faute de mieux. Sœur Agnès était amoureuse de moi, ne disait rien et pleurait d'autant. Un jour de grande récréation, je trouve le moyen de la chambrer. « Qu'avez-vous, belle Agnès ?»« Hélas, je n'en sais rien. Depuis 8 jours, vous êtes toutes changées. Vous que l'on voyait sans cesse rire, folâtrer, vous rêver, hélas, vous soupirez. Agnès, Agnès, vous n'avez point de confiance en moi. Moi qui vous aime tant, ces joues se colorent. Vous m'aimez ? Oh mon Dieu, si cela était, Agnès, serait-ce vous offenser ? Hélas. Ce n'est pas ma faute, vous êtes si aimable. Je prends sa main. Oh, laissez-moi, Sainte Vierge. » Elle se lève. « Ma sœur, je le vois, vous avez peur de moi. Je vous suis odieux. »« Eh bien, je me retire. »« Comment tu t'en vas ? » ?»« Foutue bête, la pauvre enfant. Elle est à moi. Je n'aurai pas le temps de la pousser à bout. À la première séance, elle est dans mon sac. » La maîtresse des novices me fournit quelques jours après une bonne occasion. Vous savez qu'elle est de mes amies. On devait chanter un motet au chœur. Le maître de musique n'était pas venu. Elle me confia Agnès pour la faire répéter, et sortit en tirant la porte sur nous. « Eh bien, ma belle Agnès, êtes-vous toujours aussi cruelle ?» Elle baisse les yeux. « Que je suis malheureuse !»« Oh, le bon Dieu le sait !» Et ses mains s'élèvent vers le ciel. « Agnès, vous m'avez fait répandre bien des larmes. Et moi, ah, comme j'ai pleuré !» Et ses pleurs coulent encore. « Si vous vouliez, hélas, nous nous consolerions. Ou sans cela, il faut que je meure. Oh, mon Jésus !»« Vous mourir ? Non, non, ce sera moi !» Vous, Agnès, vous que j'aime plus que ma vie. Je la saisis, je l'attire sur mes genoux. Vois, ah, vois donc son col collé contre moi, sa tête penchée sur mon visage, ses beaux yeux bleus pleins de larmes. Agnès, mon seul amour, ah, dis-moi que tu m'aimes. Méchant, vous en doutez, sa bouche me caresse. L'innocent ne connaît aucun mal aux élans de son cœur. Son heure est arrivée. Je la couvre de baisers. Je fais passer dans son sein l'ardeur qui me dévore. Je l'enivre de caresses et d'amour. J'écarte tous les voiles, que de trésors me sont livrés. La pudeur ne gémit point. Elle ne se connaît plus, rapide comme l'éclair, je déchire la nue. Et le cri qu'Agnès se laisse échapper est le signe de ma victoire. Tu vas bêtement croire qu'elle fera des grimaces, des simagrées, qu'elle me traitera de monstre, de séducteur. Et laisse cela à l'opucelage rajeuni du siècle, la pauvre enfant. Elle me remercie de mes bontés. Il est vrai que j'ai eu diablement de mérite, car la place était rudement forte à emporter. Agnès, après cette ouverture d'esprit, acquit une intelligence infinie pour son motet, et au retour de la maîtresse, elle le chanta à ravir. Heureusement pour moi, mon abbesse, à cause de certaines visites, faisait lit à part, car par Dieu, j'étais écorché vif et en sang. 12 heures de repos me cicatrisèrent. Bon, beau passe-temps, et pourquoi diable grondes-tu, je te prie? Je gronde parce que tu perds ton temps et que l'argent ne vient point. C'est ma faute, j'en conviens. Ton esprit financier me charme. Mais je devais te dire que l'abbesse, aussi généreuse que belle, me comblait de présents. Aussi calme-toi pour écouter de nouveaux exploits.